Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules qui recevront à 13h05 Smaïn. Smaïn, c'est son grand retour sur scène. Difficile pour Smaïn. Il se relance, personne ne l'attendait. De nouveau, Smaïn, seul, sur scène, face au public. Les derniers films dans lesquels il avait évolué, que ce soit, c'était Recto Verso, c'est ça, c'était le Spoon. Ah, j'ai un souvenir, parce que c'est vrai que ça, ces films n'ont pas marché, mais moi, je veux te faire un aveu, j'aime bien Smaïn. Mais moi aussi, et j'aime bien. J'étais content de le revoir sur scène hier soir, il revient. Alors, effectivement, il ne fait pas du Jamel, mais ça fait du bien que... Pourquoi comparer que... Smaïn à Jamel, excuse-moi? Pourquoi tu fais ce rapprochement? Parce qu'il s'appelle Jamel et Smaïn. Tu sais pourquoi, Karim? Tu peux être un comique. Tu sais pourquoi, Karim? Parce que Jamel a allumé Smaïn récemment dans la presse, en disant tout d'abord que c'était un modèle pour lui, puis après, il avait reproché à Smaïn de caricaturer les gens de banlieue. Mais l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, un peu, effectivement. Et puis aujourd'hui, on peut faire l'humour sur scène sans faire Jamel ou Gad Elmaleh, par exemple. Rendez-vous avec Smaïn au 32-16 pour lui poser des questions en direct. Il dira tout dans les grandes gueules à partir de 13h05. Les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres. En vous attendant au 32-16 avec toujours le lecteur DVD à offrir. Graveur. Non, il n'est pas graveur, celui-là, là. Il n'est pas graveur. Allez, tiens, c'est Alain Soral qui va commencer. Vas-y, Alain. Ah, pourquoi? Tu vas parler d'Ardisson. Ah, c'est le coup de cœur que je veux faire? Coup de cœur ou coup de gueule? Moi, je veux faire les deux. D'abord, indépendamment de toute polémique, et je demande aux emmerdeurs de ne pas appeler une fois de plus pour s'acharner sur moi, parce qu'ils commencent à me casser ce temps. Ouais, si je vais saluer l'incroyable courage de Dieudonné d'avoir tenu tête à Ardisson, qui s'était déguisé en procureur. C'était répugnant. C'était quand? Parce que tout le monde en parle. C'était une émission que je ne regarderai plus jamais. Bonne nouvelle. Voilà. La culture télé, il y en a pas. Je vais finir. Et deuxièmement, je pense que tout le monde a compris, en gros. Ardisson s'est acharné sur moi en absence. C'était un ami de 25 ans, qui me soutenait avant, qui m'invitait pour mes 4 derniers livres. Je pense que sous la pression, il m'a lâché. Et je dis simplement que malgré ce que je subis en ce moment, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Et je pense qu'effectivement, avec le déshonneur qu'accumule ce genre de gens, il finira à l'Académie française, parce que moi, on a d'honneur, puis on court après les honneurs, et visiblement, il est passé dans le camp des déshonorés, et je pense malheureusement que sur le plan de l'audimat, il y a beaucoup de gens qui regarderont plus son émission, parce que l'audure, il était vraiment dans la peau du salaud, du traître, du flic, du bourreau, de l'inquisiteur, et surtout, c'est le dernier de tous les gens que je connais à pouvoir me donner des leçons sur certains sujets. Un bon entendeur, voilà. Il est pas là pour arrête se défendre. De parler de moi, j'étais pas là pour me défendre non plus, comme ça. Simplement, il t'a pas allumé. Attends, j'ai regardé l'émission, Alain. Il a simplement dit à Dieudonné, avec toutes les choses que vous avez dit, vous allez peut-être terminer comme Alain Soral par ne plus vous faire inviter, et moi-même, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vous inviter. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez en plus soutenu Alain Soral. Ben oui, il s'est fait agresser, je suis allé soutenir. Il dit ça, derrière le professeur. Il a dit, ce garçon est inévitable à la télé. Il a dit des horreurs, notamment chez moi. Alors qu'il m'invitait pour dire des horreurs, déjà. C'est pas naïf, Alain. Tu sais bien que tu l'as un peu cherché. C'est pas ça. Je supporte pas un type qui vous appelle pour vous soutenir en privé, en vous tutoyant, vous connaissez depuis 25 ans, vous dites, Alain, c'est formidable ce que tu fais, t'as du courage, etc. Et qui vous flingue en public. C'est dégueulasse. Et je tiens à ce que ça se sache, parce qu'à la limite, on ne dit jamais tout ça. Voilà. Ardisson était un ami de 25 ans, on se tutoie, il m'a invité au restaurant il n'y a pas longtemps pour me féliciter pour mon courage. On va en faire 10 minutes. Voilà. Si, j'en fais 10 minutes parce que c'est mes 10 minutes, parce que moi, ça me coûte 30 ans de ma vie, cette histoire. Donc j'en fais 10 minutes. Parce que je suis au placard pour les 30 prochaines années, avec ce qui m'est arrivé. Ok? Il y a des gens qui comprennent. Heureusement que la télé se résume pas à Ardisson, il y a d'autres émissions, et notamment, t'es dans les grandes gueules. Voilà. Bon. Mais je tenais à lui rendre la monnaie de sa pièce. Voilà. C'est fait. Alors, c'est ça, c'était le coup de gueule. Est-ce que t'as un coup de cœur? Je t'avais dit, j'en ai deux quand même. Ben, le coup de cœur, c'était Dieudonné, qui est indépendamment de tout, a quand même un courage incroyable, parce que la pression qu'il subit de ne pas lâcher ses potes, parce qu'on lui demandait de me lâcher quelque part, comme à moi, on m'a demandé de le lâcher. Et des gens qui sont capables de soutenir un ami dans la tourmente plutôt que de baisser leur froc pour des raisons de commerce, c'est respectable. Et le courage, ça se respecte. Et voilà, il y en a qui veulent pouvoir se regarder face à leurs gosses, et d'autres, ben, je sais pas comment ils font avec leur confiance. On va parler un petit peu des affaires de la France, du monde, enfin d'autres choses. Tiens, un petit coup de cœur rapide et un coup de gueule après. Un petit coup de cœur rapide, c'est tout bête, mais on tape toujours sur les administrations. Et là, ma fille a perdu son permis de conduire. Et là, j'ai reçu par la poste une lettre. Mademoiselle, je vous adresse 6 juin un permis de conduire vous appartenant. Elle a été trouvée en l'état, dans les plis, déposée dans une boîte à lettres d'un arrondissement, etc. Et je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa qu'on reposte un permis oublié. Et que ce soit toi qui le fasse, c'est encore plus sympa. Voilà. Pour la poste. Alors, en revanche, alors, vrai, alors ça, c'est un leader. Coup de gueule pour Karim. Respire bien. Pour la CGT. contre la CGT. Ah, mais pourquoi, Gervais? Même s'il faut le faire on va t'écouter, on va bien t'écouter. Je vais t'expliquer. Le Monde d'hier, moi j'hallucine, je vois qu'on a donné de l'espace gratuit dans pratiquement toute la presse quotidienne, une pleine page gratuite, sous menace d'ailleurs, parce que quand on donne pas la pleine page, la CGT du livre menace de faire la grève, et ça commence comme ça, vous avez d'où tu se le vois dans vos journaux, en tout cas dans Le Monde, ce qui est fascinant, ça commence par le livre CGT s'adresse aux lecteurs et aux salariés de la presse quotidienne. Et on leur donne de l'espace gratuit. Et tout ça, alors qu'il y a un monopole syndicat du livre, c'est tout. Oui, le syndicat du livre. C'est un monopole sur la distribution des journaux. Oui, on le sait, c'est tout est chantage, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on paie aussi cher la presse en France aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs on a moins de presse, et on lit moins la presse quotidienne que dans les autres pays. Et le monopole, s'il y avait notre ami Maillot, il le dirait, c'est scandaleux. Il n'y a pas de compétition dans la distribution du livre. Et ils ont tellement les jetons, les directeurs de journaux, qu'ils filent une page d'espace gratuit à la CGT du livre. Et bien alors là, je reviens pas. Ça fait partie des derniers privilèges liés au CNR et au partage qu'il y a eu en 1945 pour remercier les communistes du travail qu'ils avaient fait pendant la guerre. Oui, enfin, bon, alors, aujourd'hui, oui, voilà, bien sûr, on arrive au bout d'une rente. On arrive au bout d'une rente. On voilà. Vit beaucoup, effectivement, sur ces privilèges liés à ces guerres. Ça nuit à tout le monde. En hein. Attendant, ça met en difficulté. Il y avait la SNCF, il y avait UDF, il y avait le syndicat du livre. Quand on a accepté de désarmer les francs-tireurs partisans, parce que les communistes auraient presque pu faire un coup d'État à l'époque, ils ont accepté d'être désarmés en échange de privilèges, ça a été négocié par le Comité National de la Résistance, et il faut avoir un peu de culture, et on arrive à la fin de ces 30. On arrive à la fin de ces 30. Rien ne justifie aujourd'hui un monopole et effectivement un chantage exercé. Il est temps, la société n'est que privilège, la CGT a quelques privilèges. Surtout la société aujourd'hui, et l'acheter manque de courage vis-à-vis de ce monopole qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Christophe, bonjour. C'est les victimes de l'espace. Bienvenue Christophe dans les grandes gueules. Pour un coup de cœur ou un coup de gueule, Christophe? Pour un gros coup de gueule. J'ai donc suivi depuis quelques semaines la campagne de centralisation pour aller s'inscrire aux listes électorales pour les jeunes, concernant la prochaine la consultation sur la communauté européenne. Je suis, grâce à vous, je suis un fort déçu de la politique, donc depuis quelques années je ne votais plus. Je me suis bougé hier, je suis allé à la mairie pour faire l'inscription, suite à cette fameuse campagne. Et puis, voilà, qu'une fois à la mairie, c'est un véritable radio-reality, on me dit qu'il faut une photocopie, effectivement, de la identité, qu'il faut donc acheter le certificat de domicile, jusqu'à présent tout va bien, et là on me dit qu'il faut que vous alliez faire une photocopie qui est de l'ordre de 15 centimes, et cela pour l'INSEE. Alors c'est un coup de gueule, parce que je ne comprends pas comment le contribuable, et pourquoi le contribuable doit-il payer pour l'INSEE, et pourquoi doit-il fournir maintenant des justificatifs par le biais de photocopies. Je pense que c'est plutôt le rôle de la mairie ou de l'INSEE ou de l'État, mais certainement pas celui du contribuable. C'était une photocopie de quoi que l'on vous demandait, Christophe? Pièce d'identité, ce qui me semble absolument normal, puisque dans la mesure où la pièce d'identité est délivrée par la préfecture, elle est ce qu'il y a de plus légal, et on m'a dit que c'était effectivement pour l'INSEE. Et l'INSEE, je vous rappelle que c'est quand même un institut national. Donc pour moi, des lieux publics. Je ne sais pas pourquoi il fallait une photocopie pour l'INSEE. Là, j'avoue qu'effectivement, ça paraît un peu bizarre. Surtout pour se réinscrire sur les listes, listes électorales. Parce qu'ils en profitent pour faire des statistiques. C'est pour les stats, bien sûr. Ouais. C'est pour les stats, mais ce que je ne veux pas, c'est que le contribuable... C'est vous qui payez, quoi, en fait. Ouais. Ah oui, hors de question. C'est toujours les pauvres qui payent. Voilà, et d'autre part, dans la campagne de sensibilisation, il devrait être... Forcément, il n'y a plus de riches. Ouais. Comment les virer tous? C'est les pauvres qui peuvent rendre plus en plus, hein. Karim Zeribi, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, j'ai un coup de cœur. Hier, je dînais, puis quand je suis rentré, je m'étais fait enregistrer l'émission envoyée spéciale. Qui m'emballe pas trop d'habitude parce que je trouve que c'est assez caricatural. Mais il y avait une émission sur Jamel Debbouze justement, comme portrait. Et j'ai découvert Jamel Debbouze, je dois l'avouer, dans son reportage. J'étais pas un fan. Et puis là, je vois un gars, un trentenaire, qui non seulement est un comique qui a du talent, mais qui aussi dit des choses, sort un peu de sa posture de d'artiste et de star pour parler aussi des questions de société parce qu'il en a envie et il dit pas des trucs ridicules. Je trouve qu'il a une intelligence du cœur dans la manière dont il s'exprime qui m'a fait plaisir hier quand je suis rentré de ce dîner. J'avais envie de le dire parce que je n'étais pas un fan encore une fois, mais je pense que Jamel Debbouze là il m'a bien séduit quoi. Donc garçon vraiment sympathique qui dit des trucs sur la citoyenneté, sur l'identité et autres, qui était sympa à un moment donné, exemple, petite anecdote, on lui dit, mais tu es quoi, tu es français, marocain, il dit, écoutez, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère, moi, la France, c'est ma patrie, et le Maroc, c'est le pays de mes parents, donc ne me demandez pas de choisir, il n'y a pas à choisir, quoi. Donc on pose des questions totalement bêtes, parfois, et là, je trouvais que sa réponse était intéressante. Parce que tu peux justement apporter une réponse intelligente à une question qui est un petit peu stupide. Et ça peut rendre effectivement les gens qui posent des questions intelligents parfois. Coup de cœur, coup de gueule, monsieur Truchot. Soral, il dit rien sur Jamel, je suis étonné. Non, parce que j'ai rien à dire sur Jamel, moi. D'accord. Mais il est pas obligé. C'était mon coup de cœur. Non, puis je me suis déjà fatigué sur Ardisson, c'est bon. Ah oui, ça suffit là. Vas-y, Olivier. Un coup de cœur que m'a soufflé ma femme, elle me rappelait cette histoire terrible et qui va faire l'objet prochainement d'un film. C'est donc un coup de cœur historique pour la fraternisation entre soldats et allemands et français. C'était un soir de Noël pendant la Première Guerre mondiale. Ce soir-là, des deux côtés, on s'est retrouvés. Ils ont décidé de partager le repas de Noël ensemble alors qu'ils se tapaient dessus. Ils partageaient des marrons et puis là, ils ont rajouté la dinde. Et bien, ça passe. Alors, ils ont partagé le peu de nourriture, d'alcool, de tabac qu'ils avaient. Le temps d'une trêve, mais sachez-le, des soldats ont été fusillés. Suite à ça, sur ordre de leur état-major, pour avoir participé à cette initiative fraternelle. Ouais. Et on va leur rendre hommage. Cette année, on inaugure une stèle à la mémoire de ces hommes dans le village où ça s'est produit dans l'Est de la France. On rend hommage aux gens bien, mais toujours trop tard. Il faut qu'ils soient morts depuis longtemps pour qu'on reconnaisse. Oui, mais tu vois, t'as des chances si tu meurs. Ah, bien sûr. Moi, je trouve que leur rendre hommage aujourd'hui, c'est bien. C'est dire qu'il y avait des hommes de bonne volonté. Et au milieu de la guerre, il y avait des gestes comme ça qui sont salués des années après. Donc il y a encore de l'espoir. On finit toujours par saluer les gestes d'élégance, d'honneur et de courage, mais toujours bien après. C'est ça qui est intéressant à étudier d'un point de vue philosophique. Oui, mais ça peut servir d'exemple. Oui, voilà. Moi, je voudrais saluer quand même l'initiative des députés et du garde des Sceaux, Dominique Perben, sur les bracelets GPS pour les délinquants sexuels. Alors, je sais que ça vient un peu comme ça à plat au milieu des coups de cœur et des coups de gueule, mais nous en avions beaucoup parlé dans les grandes gueules lorsque nous avons parlé de la délinquance sexuelle et des moyens d'éviter la récidive et de mieux suivre. On le met bracelet d'ailleurs à la sortie de prison. On le mettra au pied. Et c'est vrai que ça faisait partie des propositions. Ouais. Je sais que j'avais des propositions à faire moi sur l'endroit où. Non, garde là ta proposition, Alain Soral. Ça m'a bien fait plaisir quand même. Des propositions des grandes gueules, ce qu'avait dit Karine Zeribi. Oui, à un bracelet électronique une fois que la peine est purgée et que l'on puisse surtout suivre les délinquants sexuels. Et c'était des mesures qui étaient déjà en vigueur, notamment dans l'état de Floride. Suivre les petites victimes, hein. En Grande-Bretagne. Et enfin, on a eu le courage, aujourd'hui, en France, de l'appliquer. Tu as raison de saluer. Je pense que, effectivement, ça faisait partie des propositions que nous avions émises lorsque nous parlions de pédophilie, de récidive, en matière de pédophilie. C'est quand même plus grave que de graver les CD, Bien plus grave, tu as raison de le souligner. Mais je plaisantais tout à l'heure. Là, la mesure, moi, je l'apprécie aussi, comme toi. Je pense, mais on avait fait, nous, un ensemble de propositions. Et je regrette toujours qu'on prenne une proposition en donnant un sentiment qu'on règle le problème. Est-ce que tu es sûr que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a des problèmes plus sévères? Quand ça tombe en panne, comment on fait? Il y a un viol. Il faut parler aux techniciens. C'est faire confiance à la technique, mais il ne faudrait pas que cette confiance soit aveugle. Nous, on avait dit GPS, on avait dit que le gars devait pointer au commissariat, donc tous les jours. On avait dit que les peines devaient être plus sévères. Donc on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un suivi psychologique, parce que les types sont quand même des malades, des gros malades. On avait quand même émis un ensemble de mesures. Alors effectivement, s'il tombe en panne, s'il est obligé d'aller pointer au commissariat tous les jours, il va pas pouvoir non plus trop s'éloigner. Il faut quand même rappeler que la délinquance sexuelle, c'est la première cause d'incarcération dans notre pays, en France. Près de 7500 condamnés détenus à ce titre. Le doublement de la délinquance sexuelle aujourd'hui en 10 ans. Le nombre de détenus pour viol aujourd'hui est de plus de 5000. 300 personnes qui sont potentiellement concernées chaque année par ce bracelet mobile. Enfin, mais je précise qu'il ne s'agit que des hommes à 100% des cas. Un petit email, ça va. Pour les grandes gueules, je vous écoute tous les jours. Les hommes des grandes gueules ont vraiment de grandes gueules pour notre plus grand plaisir et notre information, écrit Marie. Et cette petite Sophie de Menton qui se bat bec et ongle pour se faire entendre, c'est attendrissant. Et j'espère, Alain et Olivier, que vous allez faire preuve de parité et inviter en même temps que Sophie, tous les jours, et non pas de temps en temps, d'autres femmes, afin qu'il y ait égalité dans les deux camps femmes. Merci. Il faut dire que Marie, cette radio est la radio préférée des hommes. Il faut le savoir. Il faut un peu que les femmes viennent. 70% d'hommes qui nous écoutent. C'est à cause du foot. C'est pas du communautarisme, Olivier, ça, non? Je sais pas. Non, mais je crois qu'il y a deux victimes dans les grandes gueules aujourd'hui. Il y a Sophie de Menton, victime des hommes. Je ne pas du tout victime. Et Alain Soral, victime d'Arnaud. Un ami de 30 ans. Un ami de 30 ans. J'ai perdu. C'est une nécro que j'aurais dû faire. Alors, toi qui es cultivé, quelle est la forme? Quelle est la formule? Occupe-toi de mes ennemis, mes amis, je m'en charge. Gardez-moi de mes amis, Est-ce que tu les mires, ils sont mon ami? Non, gardez-moi de mes amis. Non, je ne veux plus y aller. C'est pas une question de légende. C'est une question de morale. Mais nous aussi. Smaïn arrive dans les grandes gueules. Smaïn sera en direct avec nous et en direct. Le retour du comique que l'on avait oublié, Smaïn, aujourd'hui sur scène, seul sur scène. I come back, dit-il, je reviens, personne ne m'attendait. Pourtant, oui, j'existe toujours, je sais toujours chanter, je sais toujours danser, et je sais toujours faire rire. Tiens, vous voulez faire la grande gueule avec Smaïn, il n'y a pas de souci. En plus, il y a un lecteur DVD pour celui ou celle d'entre vous qui sera le plus pertinent. N'oubliez pas, lecteur DVD, je ne donnerai pas la marque, c'est trois lettres, je peux vous dire que c'est du beau matos. Alain Marchal, Olivier Truchot et les...